Ce soir, nous recevons Bernard de Montréal pour nous entretenir sur les bienfaits et limites des thérapies modernes. Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. On est dans une société où les gens se cherchent beaucoup. Ouais, on dirait que plus il y a de murs de béton, plus il y a de plexus solaire qui se questionnent. Dans toute la démarche de l'évolution d'une société, on voit apparaître beaucoup, beaucoup de thérapies. Et on les qualifie de modernes parce qu'on semble découvrir des aspects de la cellule ou des aspects du cerveau qui n'ont pas travaillé depuis des milliers d'années. Et puis, on semble, dans ces découvertes-là, faire apparaître quelque chose qui peut améliorer l'individu. Quand on parle de développement de conscience, la façon que vous parlez, on semble revenir à la source, tandis que les gens qui vont dans le domaine des thérapies, ils semblent plutôt nous faire revenir à la mémoire. La qualité des, on pourrait dire, des thérapies modernes, ça semble être axée beaucoup sur une sorte de sensation de faire évaporer des éléments de notre passé ou de notre mémoire. Et puis, ça semble être en contradiction avec le phénomène du développement de la conscience qui semble vouloir défaire la mémoire en question. Est-ce qu'il y a une limite ou un danger dans les thérapies modernes telles qu'on les connaît encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des éléments, disons, qui sont anti-hommes ou c'est des éléments, disons, qui font simplement faire ressortir des éléments de sentiments ou d'émotions ou de mémoire des gens qui sont nécessaires à faire réapparaître dans notre vie? L'affaire des thérapies, c'est un petit peu comme l'affaire des automobiles. Si t'es pauvre, tu conduis une Volkswagen, t'es bien content. Si ta belle-mère te laissait un million et demi, mais tu vas peut-être chercher à conduire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Peut-être Mercedes. Les thérapies, c'est la même chose. Si t'es pauvre, autrement dit, tu te cherches. Les thérapies, c'est utile parce que ça te permet de te donner l'illusion que tu vas te découvrir, que tu vas te trouver. Puis si t'es riche dans le sens que si t'as la conscience de la vie, si t'as la science de la vie, si tu sais comment ça fonctionne la vie occultement, à ce moment-là, t'as plus besoin de ça, de thérapie. Mmh. Fait que le phénomène des thérapies, les thérapies aujourd'hui remplacent les philosophies de 40-45 ans. Quand on était jeune, on ne cherchait pas des thérapies, on lisait Camus, on lisait Nietzsche, on lisait les philosophes, on lisait Victor Hugo. C'était notre thérapie. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on a changé, Puis au lieu de lire Nietzsche ou Victor Hugo ou Camus, mais on s'en va vers des thérapies parce que des thérapies nous donnent l'impression, nous laissent l'impression qu'elles sont fondées sur une réalité quelconque. Mm-hmm. Puis, cette réalité-là coïncide avec un développement spirituel de l'âme. Quand on parle de thérapie, les gens qui vont vers des thérapies, ce sont des gens qui sont en voie d'évolution et de recherche spirituelle. Puis, tant que tu es en évolution et que tu es en recherche spirituelle, tu n'es pas en conscience mentale. Donc, l'expérience de l'homme par rapport à la thérapie, ça fait partie de son acheminement, ça fait partie de son développement, mais c'est pas les thérapies ne sont pas en elles-mêmes une finalité, parce que les thérapies sont simplement des mesures d'expression temporaire qui permettent à l'individu de réaliser qu'il se connaît pas lui-même. Mm-hmm. Un homme qui se connaît lui-même n'a pas besoin de thérapie. Un homme qui connaît les lois occultes de la conscience n'a pas besoin de thérapie parce que déjà, sa conscience mentale nie Elle va nier toute l'importance qu'il peut rattacher au phénomène de la mémoire. Donc, quand vous avez raison, quand vous parlez de thérapie, quand on parle de thérapie, on parle de connexion psychologique avec la mémoire. Puis si on parle de connexion psychologique avec les mémoires, à ce moment-là, on renforcit dans un certain sens nos alliances psychiques avec la race. Donc, on ne participe pas de façon créative à l'abolition d'un moi planétaire, c'est-à-dire d'une conscience qui était rendue émouvante ou qui était émouvée par des impressions qui viennent des autorités extérieures à soi. Donc, on est encore lié à des prises de conscience qui sont connectées à de la vérité. Donc, quand on parle de thérapie, on parle de vérité. Un homme qui s'en va vers une thérapie, il veut mettre le doigt sur quelque chose, il veut se découvrir une certaine vérité. Puis la vérité, ça n'existe pas. Il va falloir un jour que l'homme comprenne ça, parce que l'essence même de la vie sur la Terre, c'est le mensonge cosmique. Toute la nature de la vie terrestre est fondée sur le mensonge cosmique. Puis le mensonge cosmique, c'est le contrôle de l'information vers l'homme qui vient des plans. Donc, le plan mental, qui est techniquement l'origine de la pensée, ne se dévoile pas à l'homme, ou n'explique pas à l'homme, ou ne vient pas vers l'homme pour l'aider parfaitement. Mm-hmm. La preuve, c'est que l'homme pense. L'homme a un processus de pensée qui est réfléchi. Sinon, l'homme aurait de la communication télépathique avec le plan mental. Ayant une communication télépathique avec le plan mental, l'homme serait capable de vivre une voyance mentale instantanée par rapport à n'importe quel aspect de son existence. Que ce soit la maladie, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit la créativité, que ce soit l'évolution politique de sa société, que ce soit l'évolution sociologique de la Terre. L'homme aurait une compréhension très, très vaste du processus de l'évolution. Et c'est pas le cas parce que l'homme vit sur la Terre en constante retenue de l'information. Donc, à ce moment-là, on est obligé de penser, puis on est obligé de faire des études, on est obligé de vivre des expériences pour avancer à petits pas vers un terminus qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est une abomination parce que la recherche de la vérité... D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple. Si vous allez dans un laboratoire à l'Université de Montréal, puis vous demandez aux scientifiques qui font de la recherche si c'est la vérité, si ces conclusions, ça fait partie de la vérité, il va dire non. Ce sont des observations empiriques fondées sur une méthodologie. Donc, pour un scientifique, la vérité technique, ça n'existe pas. Mm-hmm. Il y a des lois qui découlent. Tandis que pour nous autres, sur le plan psychologique, on est toujours à la recherche de la vérité et les plans de conscience auxquels on appartient, que ce soit le plan astral ou même que ce soit le plan mental, ce sont des plans qui retiennent constamment l'homme par rapport à la vérité parce que ces plans-là savent que la vérité, c'est une déformation psychologique du réel. Donc, quand on fait comment est-ce que vous appelez ça? Des thérapies. Des thérapies, on cherche une vérité, puis tu peux faire des thérapies toute ta vie, puis continuer à chercher la vérité par rapport à toi-même toute ta vie. Fait que ça arrête pas, ça finit pas. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas la science. Fait que la raison pour laquelle les gens s'intéressent aux thérapies, c'est parce que la fondation psychologique de l'ego est totalement dysfonctionnelle. L'homme a une conscience dysfonctionnelle. Mm-hmm. Est-ce que les thérapies résisteraient à, je dirais pas à l'idée, là, mais au fait que l'être a une connexion avec le plan mental? Est-ce que cet aspect-là, là, disons qu'on parle souvent, nous autres, qu'il y a une source qui connecte avec nous, est-ce que ça broierait, est-ce que ça éliminerait toutes les dynamiques de thérapie qu'on connaît? Si l'homme est en contact avec le mental, ça détruit les thérapies parce que, à partir du moment où l'homme est en contact avec la conscience mentale, l'homme est obligé de détruire la mémoire de sa race. Donc, techniquement, par rapport à lui-même, il est obligé de s'isoler de la mémoire de la race parce qu'il est plus impliqué karmiquement dans la recherche d'une unité. La raison pour laquelle on cherche des thérapies, c'est parce qu'on est à la recherche d'une unité. La progression philosophique de l'homme, la progression philosophique de l'homme et psychologique de l'homme et psychique de l'homme depuis des millénaires, ça a été la recherche de l'unité. On l'a vu dans le bouddhisme, on l'a vu dans la chrétienté, on l'a vu dans les religions anciennes. L'homme a toujours recherché l'unité. Et la recherche de l'unité, c'est l'abolition de son droit à la parole. Donc, il y a des constats scientifique, mental, que l'homme va être obligé de faire au cours de son évolution, s'il va en arriver à pouvoir s'actualiser en tant qu'être au niveau mental, de la même façon que le scientifique fait dans un laboratoire à l'Université de Montréal. Sinon, l'homme va demeurer constamment, comme on l'était pendant l'évolution, un idéologue. Un idéologue, c'est une personne qui se lie à une croyance quelconque ou à une vérité quelconque pour se créer dans son expérience une certaine permanence, une certaine fondation. Mais ça résiste jamais le temps, ça. Ça résiste jamais le temps. Mm-hmm. C'est comme l'idéologie communiste, ça n'a pas résisté le temps. L'idéologie fasciste, ça n'a pas résisté le temps. L'idéologie chrétienne, ça résiste de moins en moins le temps. Les idéologies ne peuvent pas résister le temps parce que l'esprit de l'homme change constamment. Parce que son âme devient de plus en plus éveillée à son esprit. Ça, c'est l'évolution, mais ça, c'est long. Mais à partir du moment où l'homme rentre dans une conscience mentale, les idéologies ne peuvent plus résister à la lumière de sa conscience. Parce que la conscience mentale, elle est techniquement anti-pensée. Mm-hmm. Que vous ameniez n'importe quelle pensée ou n'importe quel système de pensée, la conscience mentale, le contact avec la source, le contact avec l'ajusteur de pensée, appelez ça comme vous voulez, ça va déclencher chez l'homme ce qu'on appelle un feu cosmique, c'est-à-dire une vibration qui rend l'homme libre de la pensée. Donc à ce moment-là, la vérité ne sert plus à l'homme, la vérité n'est plus nécessaire à l'homme, elle fait partie de l'évolution, puis dans l'évolution, l'homme sera simplement obligé de traiter avec le réel. Donc, traiter avec le réel, mais ça dépend de son niveau de conscience, ça dépend de son niveau de moralité, ça dépend de sa capacité de supporter le vide. Quand je dis supporter le vide, je veux dire supporter un niveau de conscience qui ne peut pas être négocié par l'ego. C'est ça qui est le côté difficile pour l'homme de l'évolution. L'ego ne peut pas négocier de la conscience. Ça se négocie pas de la conscience. De l'inconscience, ça se négocie. De la conscience spirituelle, ça se négocie. De la conscience occulte, chrétienne, judaïque, bouddhiste, ça se négocie. Mais de la conscience intégrale, ça se négocie pas parce que c'est fondé sur l'absence de réflexion. Donc, c'est techniquement un mode d'opération psychique qui permet à l'homme de parler avec des intelligences qui sont techniquement intemporelles. C'est-à-dire, techniquement, des formes d'intelligence extra-biologiques qui n'ont aucun rapport avec le corps matériel, qui font partie des substances difficiles de l'atome, c'est-à-dire des substances de l'atome qui permettent à la lumière de composer instantanément dans tous les espaces-temps, donc ce qui permet à l'homme en tant qu'individu d'être instantanément en connexion psychique avec des territoires d'origine qu'on appelle sur la Terre aujourd'hui de l'intelligence, qu'on appellera demain probablement des cerveaux biologiques qui ne font pas partie de la conscience scientifique de notre race, ainsi de suite. Donc, l'évolution de la conscience sur la Terre, puis le développement de la conscience sur la Terre, au niveau psychique, c'est aussi révolutionnaire, puis ça va être aussi révolutionnaire que les développements de la science sur la Terre depuis une cinquantaine d'années, si on parle de Tesla jusqu'à la gang de Bill Gates aujourd'hui, mm-hmm. Microsoft. Mm-hmm. Faut être raisonnable. Il faut arrêter de penser ou de s'imaginer qu'on vit dans un statu quo, puis qu'on vit dans un système qui ne peut être dynamisé que par nos pensées. Un jour, ça va éclater, ça. Notre façon de vivre aujourd'hui est en train d'éclater, là. La télévision, les computers, ça fait éclater notre système de pensée, nos façons de vivre. Même Madonna est en train de faire éclater l'Église, là, tu sais. Bon, ben, tout le monde fait éclater. Tout le monde se fait éclater. On est en voie d'éclatement, puis ça, c'est que le début, ça va éclater encore plus que ça. Puis ça fait partie du changement de niveau vibratoire de la conscience humaine. Mais ça, c'est au niveau de la conscience planétaire. Mais si on situe ça au niveau d'une conscience universelle, cosmique, interplanétaire, non temporelle, contact entre l'homme et d'autres individus, mais qui n'ont pas de conscience corporative, À ce moment-là, bien, attendez-vous à ce que la vérité aussi éclate. Mm. Fait que si vous rendez à ce point-là, tu es plus intéressé à des... Comment vous appelez ça? Des thérapies. Des thérapies. Si on reste dans le sujet, est-ce qu'on dirait que les thérapies, c'est la substitution scientifique des religions? Non, des thérapies, c'est la substitution psychologique des religions. Psychologique. La conscience mentale, c'est la substitution scientifique de tout. Des philosophies, des religions, des métaphysiques, de l'occultisme, des ésotérismes, puis tout. OK. Bon, donc on en vient au fait que toute thérapie va toujours présenter une certaine relativité, en hein, quelque part, dans son, dans sa mécanicité. Toujours. Bon. Exactement. Bon, qu'est-ce qui fait qu'un individu... C'est toujours relatif, mais on le prend toujours d'une façon absolue. Bon, qu'est-ce qui fait que les gens prennent ça d'une façon absolue? Parce qu'ils ont besoin de la thérapie pour se donner l'impression qu'ils sont en voie, en bonne voie de développement vers une vérité. Tu peux pas dire à une personne, bon, mais tu fais de la rétrogression, là, tu fais de la rétrogression dans le temps, là, tu veux savoir qu'est-ce que tu faisais dans une autre vie, là. Bon, mais là, il m'a fait une expérience avec toi, là. Puis là, tu lui demandes que le contact astral qu'il y a avec une autre vie, c'est simplement une suspension psychologique de son ego qui permet techniquement d'avoir accès à une vie qui fait son affaire. Mm-hmm. Ah! Fait son affaire. Fait que t'es pas intéressé, le gars, il est pas intéressé à se trouver un petit nègre, à se découvrir qu'il était un petit nègre quelque part en Angola. Il est intéressé à savoir qu'il était peut-être au moins un petit Égyptien, scribe. Qui écrit ses pyramides. Fait que c'est tout connecté à de l'ego, ça, cette affaire-là. Mm-hmm. Fait que là, vous allez dire, mais y a-tu une validité dans la régression? C'est-tu vrai que l'homme peut connecter avec d'anciennes vies? Puis la réponse à celle-ci, c'est bien simple. Que vous voyez n'importe quoi de vos anciennes vies, vous n'aurez jamais la preuve que c'était vous autres. Pourquoi vous n'aurez jamais la preuve? Parce que pour avoir la preuve d'une ancienne vie, faut avoir accès aux archives. Puis pour avoir accès aux archives, faut être sur le plan éthérique. Vous pouvez pas être sur le plan astral puis avoir la preuve de vos anciennes vies parce que le plan astral, ça fait partie de la mémoire de l'âme. Alors que le plan éthérique, la conscience éthérique, le corps moronciel, qui est en mouvement perpétuel, est capable, lui, de réellement étudier les archives d'une façon objective, parce que le corps moronciel de l'homme, autrement dit, une fois que l'homme est en contact avec sa source, le plan mental, son corps moronciel devient un véhicule de lumière, alors que le corps astral, c'est pas un véhicule de lumière, c'est un véhicule qui utilise la mémoire de l'individu, et cette mémoire-là, ça devient la lumière du corps astral. Quand tu regardes, quand tu t'en vas en forme astrale, quand tu fais un déplacement en astral, puis que tu te déplaces avec ton cordon, d'argent. Ton cordon d'argent, il est fait de mémoire. Mm-hmm. Fait que faites-en l'expérience. S'il y en a parmi vous autres là, qui veulent faire des expériences occultes, intéressantes, là, puis organisez-vous pour avoir quelqu'un pour vous ramener dans votre lit après, bon, là, puis vous allez voir que si vous étudiez en conscience astrale votre cordon d'argent, vous allez voir que votre cordon d'argent, il est fait de mémoire. Puis quand vous mourrez, puis que vous retournez sur le plan astral, pourquoi est-ce que vous voyez toute votre mémoire? Parce que vous passez dans le tunnel, puis votre tunnel, c'est votre cordon d'argent. Fait que ce que vous voyez quand vous passez dans le tunnel, c'est toutes vos mémoires. Fait que vous pouvez pas avoir de mesure objective du passé avec un corps astral. Pour avoir une mesure objective du passé, faut que vous ayez accès à un corps éthérique. Puis ça fait partie de l'évolution. Puis l'homme n'aura pas accès à son corps éthérique tant que l'homme n'aura pas connecté mentalement, objectivement avec sa source. Autrement dit, tant que l'homme ne sera pas capable d'avoir un dialogue ouvert avec les circuits universels qui permettra finalement de totalement réduire l'importance de la pensée pour finalement avoir accès à de la communication circuit universel puis une conscience objective puis télépathique avec eux autres. Là, à ce moment-là, là, il pourra savoir que ce qu'il a fait dans ses autres vies. Mais rendu à ce point-là, ça sera plus important pour lui parce qu'il n'aurait plus de curiosité. Mm. Fait que le problème n'existe même plus. Mm. C'est vrai que vous m'avez donné la meilleure explication que j'ai jamais entendue sur le fameux cordeau d'argent. Ouais, mais je vous le dis parce que c'est important au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude occulte de l'homme, c'est important qu'on défasse ce qui a été fait dans le passé. Puis pour le défaire, il y a un temps pour le défaire. Puis pour le défaire, il faut que l'homme soit rendu à un niveau de conscience suffisamment développé pour pouvoir faire les connexions entre ce qu'il apprend et ce qu'il a mal compris. Sans ça, ça sert à quoi? Oui, c'est ça. T'sais? Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Mais si je reviens avec le... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec la mémoire, là, vous me parlez du fameux cordon d'argent. Ça veut dire que la... Je vais vous donner un exemple. Excusez, je vous coupe, là, ben, je t'énerve à soi. Je vais vous donner un exemple. Là, là, en science, on est rentré dans le virtual reality. Hein? Ça va aller loin, ça. Il étudie aussi les conséquences sur le mental. Ah, au niveau du corps astral, c'est la même chose. Si tu t'en vas en astral, c'est comme si tu t'en vas dans du virtual reality. Tu t'en vas en conscience éthérique, tu t'en vas dans du virtual reality. Mais le problème est, c'est que dans un ou dans l'autre, dans les deux systèmes de conscience, il y a une différence. C'est que quand tu es en conscience astrale, tu véhicules toute ton expérience à travers le mémoriel. Que tu rencontres n'importe qui, que tu vois n'importe qui, que tu ailles sur n'importe quelle planète, tu vas toujours vivre en conscience astrale ce qui fait partie de ta mémoire. Donc, à ce moment-là, tu n'es pas capable de substituer ce que tu vois ou ce que tu expérimentes pour ce qui n'existe pas. Tu vis toujours ce que tu expérimentes par rapport à ce qui existe. Mais ce qui existe dans quoi? Dans ta mémoire. Mm-hmm. Fait que dans le fond, c'est comme un gars qui fait du patinage sur une piste artificielle. Il patine, puis il patine, puis il patine, mais il sort jamais de l'enclos. Mm-hmm. Parce qu'avec un corps moronciel, quand l'homme sort en conscience éthérique, en conscience moronciel, il est totalement libre. Il n'y a même pas de cordon ombilical. Un homme qui se promène dans différents espaces-temps avec son corps moronciel, il n'a pas besoin de cordon ombilical. Pourquoi? Parce que le cordon ombilical, il sert simplement à mettre l'âme en contact avec le corps matériel. Ça veut dire, ça, que quand tu es en conscience astrale, puis que tu te sors de ton corps, tu te sers de ton corps astral pour faire des déplacements, puis que tu te sers de ton cordon ombilical pour venir dans ton corps matériel, dans le fond, tu es toujours rattaché à la mort. Parce que tu t'amènes toujours la totalité de ton expérience avec toi. Que tu sois dans ton corps physique, t'es mort pareil. Donc, tu es inconscient, puis que tu sortes en astral, tu es mort pareil, mais sur un autre plan. Un plan qui fait ton affaire. Mm-hmm. Tandis qu'en conscience moroncielle, quand l'homme ira sur le plan éthérique à conscience moroncielle, le cordon ombilical, il n'y en a pas. Parce que le corps moronciel, c'est un corps libre. Puis le problème avec le cordon d'argent, qui ça sera expliqué un jour, mais ça sera expliqué un jour quand les gens seront capables de réellement travailler avec ces niveaux-là, puis plus spiritualiser leur expérience. Le problème avec le cordon d'argent, c'est que le cordon d'argent permet à l'homme de toujours demeurer dans la surface de sa conscience. Alors qu'un homme qui voyage en conscience éthérique ne voyage pas dans la surface de sa conscience, il voyage dans le plein de son être, t'sais. Mm-hmm. Autrement dit, il est totalement libre, il est totalement en contrôle, il est totalement en commande, il est totalement en fusion, il travaille avec la lumière, la source donc de l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est capable de l'amener où il veut, mais quand il travaille avec l'ajusteur de pensée, il ne travaille pas avec une entité qui est réfléchie dans sa conscience, comme on appelle nous autres la pensée. Il travaille avec un aide. Tu ne peux pas aller sur le plan moronciel seul. Tu y vas toujours à deux, il y a toujours deux, il y a toi et puis lui. Tandis que sur le plan astral, tu es toujours tout seul. Tu peux rencontrer du monde, mais tu es tout seul. Mmh. Puis ce qui équivaut à ta dualité, c'est ton cordon, parce que ton cordon, c'est ta mémoire, mais en même temps, c'est ça qui t'empêche d'avoir une liberté totale. Les gens qui font des voyages astraux, ils vont pas ce qu'ils veulent. Ils vont où ce qu'ils peuvent aller. Puis ce qu'ils peuvent aller, c'est ce qui fait partie de leur mémoire. Donc, tu es déjà programmé au voyage que tu vas faire. Okay. Tandis qu'un homme qui est en conscience moroncielle, quand il sort, s'il décide d'aller sur Jupiter, il va. S'il décide de sortir complètement du univers local, il va. S'il décide de changer de temps, il va. S'il décide de rencontrer des extraterrestres, il le fait. S'il décide de modifier leur conscience par rapport à lui pour qu'il puisse les voir dans leur forme réelle, intégrale, au niveau de la biologie psychique de leur race puis de leur science, il le fait. Donc, il n'y a plus de limite. Pourquoi? Parce qu'il y a une conscience universelle, il est capable de parler avec eux autres. Il est plus magnétisable. Parce que quand tu es dans une conscience astrale, quand tu voyages en conscience astrale avec un véhicule astral, tu es toujours sujet à des restrictions, puis les restrictions font partie de la mémoire de ta race. Fait que si tu rencontres quelqu'un dans tes voyages, tes voyages vont toujours être conditionnés par le fait que déjà tu es magnétisé. Mm. Fait que tu peux pas aller en conscience astrale puis vivre l'équivalence d'un déplacement dans ta propre lumière parce que t'as pas de véhicule de transfert. C'est pas un véhicule de transfert, le corps astral. C'est simplement un véhicule de translation qui te permet de comprendre dans un certain moment de ta vie où tu es en dehors de ton corps physique. Alors que quand t'as un corps moronciel, tu peux être dans ton corps moronciel physiquement, tu peux être dans ton corps moronciel à l'extérieur de ton corps physique, mais t'es toujours la même conscience parce qu'il n'y a pas de variation dans ton alpha. Il n'y a aucune variation. Un homme qui est en conscience moroncielle, si tu regardes son alpha, il est plate puis il est créatif en même temps. Tandis que dans un corps astral, tu checkes l'alpha puis il change. Fait que ça fait partie de l'évolution. Fait que si vous voulez retourner à vos thérapies, ce que vous appelez vos petites thérapies, mais à ce moment-là, ça fait partie de votre développement temporaire, mais un jour, il va falloir que l'homme arrête de faire des thérapies, puis que l'homme commence finalement à se construire une base fondamentale pour se déplacer dans les états de vie qui font partie de sa conscience suprême. Puis ça, c'est le corps moronciel. Puis la clé de ça, c'est la réalisation que sa pensée est toujours manipulée. Puis d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite pendant que je suis là-dedans. La pensée humaine est toujours en dédoublement. Quand vous pensez, là, vous êtes toujours en dédoublement de pensée. Quand vous pensez, vous ne pensez jamais réellement. Vous êtes toujours en dédoublement de pensée. Ce dédoublement de pensée-là, il fait partie de ce que vous appelez vous autres votre ego, votre moi. Vous êtes toujours en dédoublement de pensée. Si vous étiez réellement dans une pensée universelle, vous ne vivriez pas de dédoublement et automatiquement, vous auriez une communication télépathique avec le plan mental, puis à ce moment-là, vous vous apercevriez que la pensée, c'est inutile. Que la pensée, ça, c'est une souffrance. Alors que pour nous autres, la pensée, c'est un plaisir. La pensée, c'est toute une affaire, la pensée. C'est du Walt Disney, la pensée. Mais en réalité, la pensée, c'est une souffrance. Puis ça fait partie du dédoublement. Puis il va falloir un jour que les psychologues comprennent ça, puis expliquent ça. Puis que l'homme, surtout les gens qui font des études ésotériques ou des études avancées dans le domaine de la conscience mentale, comprennent que la pensée, c'est un dédoublement de l'être et que ça n'a aucune fondation fixe dans la réalité. Ça a une fondation mobile, variable par rapport à la réalité, mais ça n'a pas de fondation fixe. Si l'homme avait une fondation fixe dans sa conscience mentale par rapport à sa réalité, l'homme n'aura aucune personnalité. Il sera simplement une personne, il sera en fusion, il sera unifié, il sera en conscience totale et il sera totalement non magnétisable. Tu pourras pas arriver à lui tu pourras pas y arriver à lui et il dit quelque chose qu'il comprendra pas. Mm-hmm. C'est impossible. Parce qu'il sera tout en contact avec le plan mental, qui est sa source, qui fait partie des dimensions intemporelles, donc qui fait partie des intelligences qui sont en dehors du corps matériel. Il sera dans un état constant de révélation. Il sera dans un état constant de révélation, donc à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin de réflexion pour ne pas savoir ce qui en est rendu à l'évolution et à la vérité. Donc, à ce moment-là, ben, il n'y aurait plus besoin de thérapie. C'est ça, puis de comparaison. Quand on vous écoute, on se rend compte que notre vie matérielle est très limitée. Comment se fait qu'on s'accroche tant à des preuves matérielles? On s'accroche à des preuves matérielles parce qu'on a une grande soif pour la vérité. Puis la soif qu'on a pour la vérité, c'est réellement, c'est justement notre faiblesse. C'est l'homme a tellement... D'ailleurs, moi, je vais vous le conter de cette façon-là. L'homme a tellement une soif pour la vérité qu'il est incapable de supporter le réel. Fait que dans un sens, la recherche de la vérité, c'est comme un placebo. C'est bon pour nous autres. Puis ça change avec le temps, les générations, les années, les siècles, les civilisations. Puis c'est seulement la science matérielle qui nous permet un petit peu de sortir de ça, là. Parce que la science matérielle cherche pas la vérité. Elle cherche simplement l'expérience objective puis l'étude objective de ses lois. Les constats. Tandis que l'homme, lui, au niveau psychologique, il cherche la vérité. Puis tant qu'il cherche la vérité, mais ça le réconforte. Parce que s'il a l'impression qu'il la trouve ou qu'il s'en va vers ça ou qu'il met le doigt dessus, à ce moment-là, ça le réconforte. C'est comme quand tu lis un bon livre. T'es content. Hop, le gars, il dit quelque chose que je comprends. Mais si le gars, il comprend rien puis toi, tu comprends rien, vous dites tous les deux la chose que vous comprenez pas. Fait que vous êtes rendu où? T'sais? Fait que c'est très, très, c'est très, c'est très, grave, la recherche de la vérité chez l'homme. Mm-hmm. C'est très grave. Puis ça, ça fait partie du conditionnement psychologique de son ego. Ça fait partie du pouvoir de la conscience de la race sur son ego. Puis un jour, l'homme va s'en sortir de ça parce que l'homme, un jour, va devenir tellement conscient du mensonge cosmique sur la Terre qu'à ce moment-là, il va prendre conscience, finalement, que la vérité, ça n'existe pas. Puis là, vous allez dire, ben mais si la vérité n'existe pas, qu'est-ce qui existe? Puis là, je vais vous dire, c'est le réel. Puis là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est le réel? Puis je vais vous dire, c'est tout ce qui est en dehors de la vérité. Donc, c'est le mensonge? C'est ce qui est en dehors du mensonge. Ce qui est en dehors de la vérité et du mensonge. Ce qui est en dehors de la vérité, le mensonge puis la vérité, ça va ensemble. OK, c'est un dans l'autre. Ça va ensemble. Le mensonge, dans le mensonge, t'as la vérité puis t'as le faux. Le vrai et le faux. Puis, ouais. Puis en dehors de ça, ben, t'as le réel. Puis quand t'es dans le réel, à ce moment-là, ben, t'as plus besoin de la vérité parce que tu comprends la force dynamique de la vérité comme tu connais la force dynamique du mensonge, du faux dans l'évolution des sociétés. Mm-hmm. Dans nos sociétés, on a besoin d'un petit peu de vérité puis on a besoin d'un petit peu de faux. Mm-hmm. Parce qu'on est des êtres pensants. Mm-hmm. Ça serait trop antiseptique pour nous autres de vivre simplement dans le réel parce qu'on pense. Ça serait ça, Bernard, quand vous dites la pensée est liée à un dédoublement, dédoublement de l'être. Un être dédoublé, dans le sens que vous parlez, ne peut pas être en contact avec sa source. C'est ça. C'est difficile parce que être en contact avec sa source, c'est être en contact avec un état de conscience qui va toujours faire interférence avec ce qu'on conçoit, nous autres, comme la vérité. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a des inquiétudes? Puis pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a peur de mourir? Puis pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a peur d'être malade? Pourquoi vous pensez qu'on a peur de pas avoir de chum, puis pas avoir de blonde? On est toujours en anxiété. Hein? On est toujours comme des arcs tendus. Puis ça, c'est parce qu'on pense. Si on pensait pas, on n'aurait pas ce problème-là. Fait qu'à ce moment-là, la vie se développerait, puis on aura toujours la créativité nécessaire dans le temps nécessaire pour faire ce qu'on a à faire. Mm-hmm. Mais on ne fonctionne pas de même parce qu'on est réellement des êtres qui avons été plongés pendant des siècles et des siècles dans le mensonge cosmique, dont la vérité est un aspect puis dont le faux est un autre. Mm-hmm. Bon, vous dites dans toutes les thérapies, les gens cherchent une unité. Et puis, le réel semble être la fameuse unité en question. Le réel, c'est pas une unité. Le réel, c'est le résultat de la fracture des formes. Je vous donne un exemple. Je parlais à un de mes amis, il y a bien, bien des années, qui était dans le groupe Écancor à Montréal, au Cap, la province de Québec. Puis, il me demande une journée, il dit, Bernard, il dit, qu'est-ce que tu penses du Sougmad? Parce que le Sougmad, pour les gens qui sont dans les cancars, Sougmad, c'est un concept important, c'est une divinité pour eux autres. Puis j'ai dit, c'est une forme. Mm-hmm. Ça veut dire quoi, ça? Fait que ça veut dire que dans un système de pensée quelconque, donc comme dans le Sougmad, dans les cancars, si tu comprends à un certain moment donné que le Sougmad, c'est une forme, à ce moment-là, t'arrêtes, à un certain moment donné, d'être violé par le mensonge cosmique. Mm-hmm. Tu peux pas arriver dans un système de pensée comme Écancor, par exemple, puis t'arrêter au Sougmad, te faire dire, bon, mais ça, c'est le Sougmad. Mm-hmm. Puis tu prends ça là, comme si c'était une tarte aux pommes. C'est le Sougmad. C'est fini. C'est le Sougmad. Parce qu'à ce moment-là, si tu traites avec la réalité psychologique qui est pensée, donc si tu traites avec la réalité psychologique spirituelle de ton ego, d'une façon totalement non empirique, mais totalement réflexive, tu ne pourras jamais avancer dans la conscience mentale parce qu'il y a quelqu'un qui va t'arriver avec un concept comme le Sougmad, puis tu vas être pris, tu vas dire, ah, c'est le Sougmad. Là, tu vas te mettre les deux pattes à terre. Mm-hmm. Tu vas aller sur le plan astral, tu vas aller rencontrer le Sougmad. Tu n'auras jamais la force mentale pour aller sur le plan astral puis rentrer dans ta fameuse bille, là, qui représente l'âme, puis la faire éclater, cette bille-là, puis te tenir devant toi-même d'une façon totalement autonome pour que ça éclate le Sougmad. Fait que les gens qui sont dans des cancans sont pas capables de faire éclater le Sougmad. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur recherche de la vérité. Mais un homme qui serait moindrement conscient, qui serait en connexion avec le plan astral du Sougmad, il sera obligé de faire éclater le Sougmad. Parce que le Sougmad a quatre visages inoués. Il y a le visage de l'effroi, il y a le visage de la bonté, il y a le visage de la beauté, puis il y a le visage de la grande spiritualité éternelle qu'on appelle la paix spirituelle ou la paix cosmique. Mais ça, c'est de la bullshit. Un jour, il faut que l'homme soit capable d'arriver devant ce miroir-là, puis le faire éclater pour découvrir quoi? Que les quatre visages du Sougmad représentent les quatre faces de l'âme animale de l'âme. Mm-hmm. mais sur des plans cosmiques où ces plans-là ont été utilisés dans l'évolution, dans des âges passés, pour créer sur la Terre les caractéristiques émotionnelles de la race humaine. Sans ça, on est des tatas forever. Tu comprends? Très bien. Bon, ça. Pour le moment, sur la Terre, là, pour le moment, ça c'est pour le moment, sur la Terre, il y a seulement un point géographique où toutes les formes sont contestées. C'est au Québec. Mais il va falloir un jour que ça se répande, puis ça va se répandre. Parce qu'éventuellement, il va y avoir trop d'esprit dans l'homme. Puis c'est là que l'homme va faire éclater les formes. Puis c'est là que l'homme va réellement comprendre que la dissolution de son ego, c'est pas une dissolution psychologique. C'est une dissolution vibratoire. Moi, j'en ai un égo, je sais pas ce qui est, là, il doit être quelque part, il y en a un égo, là, qui tient tout ça ensemble, mais la dissolution, elle est vibratoire, elle n'est pas psychologique. On peut-tu dire que cette dissolution-là, c'est ce que vous appelez la fusion? C'est ça, la fusion, puis c'est là que tu arrêtes d'avoir une, comment je disais ça tout à l'heure au niveau de la pensée? Un dédoublement de pensée. Ouais, ouais. L'homme a une pensée dédoublée. Si tu arrives avec un argument assez fort dans une direction, il va y aller. Tu arrives d'un argument assez fort dans une autre direction, il va y aller. Il y a combien de personnes qui, à cause du dédoublement de pensée, sont devenues des bons catholiques, après ça, sont shiftés, sont devenus des témoins de Jéhovah? Il y a combien de fascistes qui sont devenus des communistes qui sont devenus des fascistes? Combien de bons catholiques chrétiens cardinalisés qui sont devenus, quelque part, des protestants, tu sais, athées? Ce dédoublement-là, c'est la fameuse polarité dont on parle tant? Ce dédoublement-là, c'est basé sur la crainte de l'ego. Il existe dans l'ego une crainte fondamentale. Puis cette crainte fondamentale, elle fait partie de la conscience de la mort. L'homme ne veut pas retourner à la mort parce que l'homme, pour lui, sur le plan matériel, la vie, autrement dit, l'incarnation dans la matière, c'est plus grand que la mort. Pourquoi? Parce que sur le plan matériel, tu te reconnais. Tu te sens. Tu te reconnais, tu peux te donner des valeurs, tu as un contact avec ton ajusteur de pensée, même si tu ne le sais pas, à travers ce qu'on appelle le phénomène de la pensée. Tandis que dans la mort, tu n'as plus ça. Dans la mort, tu deviens simplement du mémoriel en évolution. Fait que l'homme n'est pas intéressé à la mort. Fait qu'il y a une peur de la mort. Puis la peur de la mort, c'est une illusion, parce que quand tu meurs, tu es tellement fatigué, bien écœuré, et tu sais, oui, tu es content. Par contre, c'est pas la place à aller. It's the wrong place. Fait qu'il va falloir un homme, un jour, que l'homme, au lieu de mourir, puis qu'il aille en conscience astrale, qu'il ait assez de conscience pour aller sur le plan éthérique. Qu'il s'en va en conscience éthérique. Mais pour aller en conscience éthérique, il faut que tu connaisses la loi de la game. La loi de la game est basée sur quoi? Fondamentalement, présentement, depuis 1969, sur la Terre, l'homme sait que la pensée, elle est totalement... Comment j'ai dit ça, là? Dédoublée. C'est une doublure. Fait que la pensée de l'homme n'est pas réelle. Mm-hmm. Elle n'a pas de puissance. Mm-hmm. Elle n'est pas capable de s'engager contre ce qui a été pensé pendant l'évolution, donc la mémoire de la race. Donc, quand tu meurs, quelle place tu vas aller? Tu t'en vas dans la mort, tu suis ton cordon ombilical, puis qui c'est qui te retrouve l'autre bord de ta belle-mère? C'est évident. Puis ça recommence encore. C'est de la connerie, ça. Faut que ça arrête un jour. Tu sais, veux dire? Fait que l'homme, il a une peur de la mort, puis c'est normal, puis c'est quand il est bien, bien fatigué. Il y a quelqu'un que je connais dernièrement qui parlait. Une vieille femme, elle est rendue à 93, 94, 95 ans. Là, ils sont en train de la garder en ville, et puis elle donne des piqûres. Puis elle a vécu son camp. Elle est tannée de s'occuper des finances de son mari. Là, qui, d'ailleurs, son mari, il est sur le dos. Là, puis, il est prêt à partir. Là. Il est mort, il est déjà mort. Là, mais il reste. Puis tout le monde attend après l'héritage. Puis, là, il vient encore. Là, il veut pas lâcher, calice. Puis elle est intelligente. Elle a vécu son camp. Mais elle a-tu hâte que lui parte pour qu'elle puisse crisser son camp tout de suite après, tu sais? Fait que quand t'es rendu à être intelligent de même, là, c'est parce que c'est ta dernière visite. Fait que faut que ça arrête un jour, l'affaire de la mort. Fait que correct, tu sors de ton corps, mais tu t'en vas en conscience moroncielle. Tu t'en vas pas en astral rencontrer ta belle-mère qui t'attend au bout du tunnel avec un mouchoir, là, tu sais? Calice. Je peux bien être toi, le faux cul. On dirait que je suis fait pour avoir le faux cul. Ça fait 20 ans que j'ai le faux cul. Je suis pas comme vous autres, vous êtes... Tu sais, je rencontre du monde, j'en rencontre du monde. Hier, là, sais-tu, j'étais à Saint-Sauveur hier, là, puis j'étais avec ma femme, puis j'avais une voyante dehors, elle était assise dehors. Tu sais, les voyantes, là? Mais j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais elle va me faire voyer. Fait que je suis assis... Puis là, j'espérais que personne ne voyait Chris, parce que j'ai dit, S'il faut qu'il y ait du monde, là, j'ai mis mes grosses lunettes de soleil. J'ai dit, s'il faut qu'il y ait du monde qui passe à Saint-Sauveur, puis qui va être pendant à Montréal assis devant la voyante, ils comprendront plus là. Ils vont perdre la boule. Ils vont vraiment... Je voulais que voir, tu sais, je voulais que voir qu'est-ce qu'elle voyait, tu sais. Puis elle était bien fine. Mais moi, on dit que ça a été long. Elle était longue la demi-heure, tu sais. Fait que finalement, la demi-heure était tellement longue, là, j'ai dit, moi, il fait un petit plaisir. J'ai fait de la voyance avant de partir, tu sais. Puis elle dit, vous êtes voyant? J'ai dit, oui. J'ai dit, une autre sorte de voyance. Mais j'ai dit, j'ai mes moments. Tu sais, je voulais pas qu'elle me connaisse, là. J'ai dit, j'ai mes moments. Puis elle dit, vous avez pas besoin de carte? J'ai dit, non, j'ai pas besoin de carte, de rien. Puis elle trouvait ça bien, bien intéressant. Fait que là, je suis assis devant la voyante. Puis, je parle à eux autres en haut. J'ai dit, Chris, ça va-tu me dire quelque chose que je sais pas au moins, tu sais? C'est ça, c'est pour ça que j'y vais. Ben oui, c'est ça. Faire dire quelque chose que tu sais pas, tu sais. Mais non, ça n'y va pas. Fait que ma femme, elle est au restaurant, elle t'a prendre son café. Fait que là, elle était toute énervée. Elle dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'ai dit, je sais plus. J'ai pas de mémoire. Ah, si, ça m'a coûté 20$ pour aller de mémoire. Con, il faut que tu aies con. Pas une crise de mémoire. Fait que j'ai dit au chien en haut, j'ai dit au moins laisse-moi savoir ce qu'elle m'a dit. Il dit, elle t'a rien dit que tu savais pas. Fait que ça a fini là, ma voyance. C'est pire d'aller voir un film, ça. C'est ça, c'est effrayant. Au moins tu peux retourner. Parce que c'était ma question qui suivait après. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, tu sais? Ouais. Venez de la flasher, ça n'a pas été long. Mais tu veux que quelqu'un au moins te passe à travers ton affaire puis elle te chercher quelque chose, t'sais. Tu vas mourir la semaine prochaine, quelque chose, t'sais. Ben non, rien, tu sais. D'être trop vivant pour ça. Ben non, on vous rencontre puis on voit vraiment que vous êtes dans une autre réalité. Là où je vous vois d'avance, vous allez dire, c'est la réalité. Vous autres, vous n'êtes pas dans la réalité. Mais les gens s'accrochent à des dimensions de vie physique, émotionnelle, sensorielle, financière, etc., etc. Et puis, on se demande si ça a un sens, cette affaire-là. Alors que quand on vous écoute parler, le sens, il a l'air d'être réellement ailleurs que sur la planète. Mon chum, comment il est de Claude Bernard. Il m'arrive toujours avec des salaires. Tout à l'heure, il me dit, la vie est belle, hein? Chaque fois qu'il me dit, la vie est belle. Ouais, ben, avec l'été qu'on a eu. Hein. Écoute bien ça. Il m'arrive, je le comprends, la vie est belle. Moi, je peux pas dire ça, Chris. Je peux pas. Excusez, je suis sac de ceux qui vont m'entendre en France dans la cassette, là, ça fait partie de ma population. Le gars, il me dit, la vie est belle. Tu peux pas m'arriver à moi et me dire, la vie est belle. La vie, elle peut pas être belle. C'est du crossage tout le long. Comprends-tu? J'en sais trop. Il y a des journées que la vie est pas pire. Mais il me dit que la vie. Puis lui, il m'arrive, chaque fois qu'il m'arrive, là, dans son 6 pieds 4, tout ensoleillé, parce qu'il va la nord, il se peigne au soleil. Puis, tu sais, je disais à ma femme, j'ai dit, nous autres, on travaille toute la semaine, on s'en va en campagne, puis on s'étend au soleil, puis on est heureux. Des petits oiseaux, puis des papillons. J'ai dit, tu voyais-tu un extraterrestre étendu au soleil, Chris? Tu t'imagines-tu un extraterrestre étendu au soleil, là? Comment tu dis, là? Avec des petits papillons. Ils sont trop mentaux. Nous autres, on est attendus au soleil, puis on trouve la vie est belle. Ça, c'est mon chum Claude Bernard. Il me dit ça chaque fois. J'ai dit, arrête de me dire ça, que la vie est belle. Ça peut pas être de même. La vie est pas belle. Ouais. Si la vie était belle, elle serait intelligente. Ouais, ça c'est... Elle peut pas être belle, elle n'est pas intelligente. Mais peut-être que lui, il a une vie intelligente. Lui, il a une vie intéressante. Intéressante, il a une vie intéressante. Ça a de l'air intelligent, mais... C'est intéressant. La vie sur la Terre n'est pas intelligente. Au mieux, ça peut être intéressant. Pardon? Au mieux, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant au mieux. Fait qu'il y a une vie intéressante. Mais la vie... Tu sais que la vie est belle? Elle peut pas être belle. Pas de votre point de vue. Pas du mien, effectivement. Du vôtre, peut-être, mais pas du mien. Elle peut pas être belle. Bon, c'est ça. C'est ce point de vue-là qui est intéressant. C'est que vous voyez des choses... qui font que la vie n'est pas si belle que ça. Elle peut juste être intéressante. Elle peut être intéressante. Elle ne peut pas être belle. Les gens sont fascinés pour une vie intéressante. Ouais. Puis après ça, eux autres, ils me disent qu'elle est belle. Ben, pas belle. Non, je comprends. S'ils me disent que la vie est intéressante, ils vont dire no problem. OK. Mais de me dire que la vie est belle, elle n'est pas belle. Elle n'est pas intelligente. Mais c'est pas drôle de voir ce que vous voyez à ce moment-là. Tu ne penses pas. Pas de problème. C'est pour ça que la vie est belle, vous autres, parce que vous pensez. Vous êtes obligé de penser qu'elle est belle. Okay. Si vous ne pensez pas qu'elle n'est pas belle, vous seriez en dépression. Fait que je suis content que tu me dises qu'elle est belle, la vie. Parce que vous pensez positivement. C'était positif, lui, il a inventé le gros signe plus. Conséquemment, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher au réel si on n'est pas capable de supporter la conséquence de voir ce que ça fait voir. Tu peux pas vivre le réel tant que tu n'as pas les corps pour. Fait que c'est vraiment pas une question d'information. Oh, c'est pas une question d'information, puis c'est pas une question d'attitude, puis c'est pas une question de volition, puis c'est pas une question de volonté, c'est une question d'initiation solaire. OK. C'est bouleversant, devenir conscient. C'est pas que c'est bouleversant de devenir conscient, mais quand tu deviens conscient, ta vie est bouleversée dans le processus. C'est quoi la nuance? Ben, une grosse nuance, c'est que tu deviens pas conscient par idéologie, tu deviens pas conscient parce que c'est l'affaire à faire. C'est une conséquence de ton évolution de devenir conscient. T'sais. Moi, j'ai pas demandé d'être fusionné en 69. Okay. J'étais bien à l'université, moi. On peut pas vouloir être conscient. On peut vouloir être conscient, mais ça, c'est une illusion spirituelle qui va être défaite au cours de l'évolution de l'homme. Donc, dans les faits, on peut pas vouloir être conscient. Dans les faits, être conscient, c'est difficile sur une planète qui n'est pas intelligente. Mm-hmm. Si la planète est intelligente, c'est que quand tu es bien, bien sensible, comme moi et tout, là, que tu t'en vas quelque part dans le monde, il n'y a plus d'harmonie. Il n'y a plus d'harmonie. Mm-hmm. Tu es obligé de vivre par rapport à des individus que tu choisis. Tu es obligé de vivre dans un environnement que tu choisis. C'est plus comme, il n'y a plus de. Tu peux plus te déplacer comme tu veux. Tu n'as plus de buffer. Fait que pourquoi? Parce que la vie est de moins en moins intelligente. Puis on parle que la conscience, ça nous donne une plus grande mobilité. Ça donne une grande mobilité au niveau psychique, mais ça te restreint au niveau matériel. OK. Donc, c'est pour ça que vous dites que la vie n'est pas belle. La vie n'est pas belle, non? Tandis qu'un individu qui est plus inconscient, lui, sa vie peut être plus intéressante parce qu'il y a une mobilité matérielle. Oui, puis il peut même penser qu'elle est très belle. Donc, ça veut dire que tous les gens qui ont une vie intéressante ou qui s'en vont vers une forme quelconque de vie intéressante sont inévitablement déçus, en quelque part. Quelque part dans le temps, il va avoir, s'ils passent à un niveau de conscience, un grand changement de conscience, éventuellement, ils vont voir des choses qu'ils n'avaient pas vues avant. Donc, automatiquement, la vie va devenir un petit peu plus serrée, mais elle va être plus intéressante, dans un sens mental du terme. Mais qu'est-ce qui peut faire vouloir un individu, pas consciemment, là, mais qu'est-ce qui peut faire vouloir un individu de substituer une vie intéressante matérielle à une vie intéressante mentale? Ça se fait par degré. Ça se fait malgré lui. Plus il est déçu matériellement, plus il s'en va vers une vie. Pas nécessairement. C'est qu'il vient en contact avec des niveaux d'idées ou des niveaux d'informations qui peuvent être avec lesquels il colle. Avec lesquels il colle. Puis il avance, puis il avance, puis il avance, puis il avance, puis il avance. Puis un jour, tu avances suffisamment que tu ne peux plus reculer. C'est ça qui arrive. C'est comme une espèce d'entonnoir où on ne peut pas changer. Tu peux reculer parce que ton niveau de conscience est trop développé, là, il est trop changé, tes corps subtils sont trop raffinés. Tu ne peux plus reculer. Mm-hmm. Par contre, rendu à ce point-là, tu es équipé psychiquement pour dealer avec ta nouvelle condition. Mm-hmm. Tu sais, moi, je ne voudrais pas retourner en 1969 ou en 68 quand j'étais à l'université aux États-Unis. Je ne serais pas intéressé. Je ne serais pas intéressé, moi, à ne pas savoir qu'est-ce que c'est la vie. Comment ça marche? Par contre, puis si je regarde en arrière, là, ben, j'aurais été universitaire, maîtrise, doctorat, travailler pour une compagnie, puis être toujours sous le boisseau, sous l'influence des autres, là, tu sais, sous l'influence du système, peut-être la compagnie ferme ses portes, faut que je me trouve un autre job, je me marie, j'ai des enfants, je sais pas d'où ça vient, où ça part, ma femme, elle va-tu rester avec moi, elle va-tu me crisser là, tu sais, quand t'es inconscient, tu sais jamais où ce que la vie t'amène, t'as pas de map. T'as pas de map. C'est vrai. Fait que tu te maries, tu sais pas si ça va marcher, t'as une santé aujourd'hui, tu n'as pas de main. Regarde le gars, le Superman, là. Il s'en fait d'équitation, il tombe en bas de son cheval, là, il est paralysé à vie, tu sais. Fait que c'est une vie de même, c'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis que la vie est pas intelligente. Pourquoi? Parce que l'homme, il a trop de karma à régler. Fait que quand tu commences à connaître la game, puis tu commences à dealer directement avec l'entité fondamentale de ta conscience qui est l'ajusteur de pensée, à ce moment-là, ces intelligences-là, cette intelligence-là, t'en arrives à modifier son comportement par rapport à toi. En faisant ça, t'en arrives à modifier ta pensée. Quand tu modifies ta pensée, mais là, tu commences à rentrer dans un niveau de conscience créative qui est réellement universel. Fait qu'à ce moment-là, qu'il se passe n'importe quoi. Guerre, pollution, le système économique qui tombe, les jobs qui tombent, les mutations rapides dans la conscience de la race. Combien on vit là? Mais t'es plus affecté par ça. Parce que t'es toujours capable de t'en sortir. Parce que t'es libre. C'est ça la réalité. Mais si t'es pas dans cette réalité-là, puis t'es dans une sorte de réalité qui fonde ses, son espoir ou son avenir sur des perceptions astralisées, un jour, ben, tu frappes un nœud. Mm-hmm. T'es bien content un soir, tu sors avec ta blonde, t'es heureux, tu l'aimes, ben, t'aimes, vous mangez les oreilles, puis un fou qui arrive, puis t'accroche au coin d'une rue, puis ta blonde, elle se fait à rentrer à l'hôpital. Ça change ta vie tout d'un coup. Fait que tu peux pas vivre de même forever. L'homme peut pas vivre indéfiniment comme ça, sans contrôle sur son existence. Bon, ben, le contrôle sur son existence, il est prêt à payer pour ça. Parce que l'astral, la mort, les entités astrales, ta belle-mère qui est de l'autre bord, toute la crise de gang, qui sont en dehors du plan matériel, là, qui travaillent à manipuler ce qui est dans le plan matériel, toutes ces forces astrales-là font partie de l'involution. Puis c'est fort. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, pour que l'homme puisse contrer ces forces-là, puis toujours être dans sa lumière, puis travailler avec son rayon d'énergie, là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une conscience mentale. Tu peux pas faire ça avec une conscience astralisée, tu peux pas faire ça avec une conscience spirituelle, tu peux pas faire ça avec une conscience qui croit, tu peux pas faire ça avec une conscience qui cherche la vérité, tu peux pas faire ça avec quoi que ce soit qui ne fait pas partie de la transmutation de ton être, autrement dit, de la transmutation de ta propre mortalité, donc de ta propre mémoire. Bon, mais c'est ça, l'initiation solaire. Puis le prêt à payer, Bernard, sais-tu, pour avoir cette liberté... Le prêt à payer, il est totalement psychologique, puis il est une réflexion d'un ancien passé. Les gens qui disent, ah ben, ma vie aujourd'hui est plus difficile qu'elle l'était avant, si j'avais pas été conscient, j'aurais vécu ça de ma vie d'une autre façon. Ça, c'est une illusion, c'est rationaliser un passé qui aurait été pire qu'un présent qui est clair, qui est intelligent, puis qui est autonome. Il y a rien pour enlever de l'autonomie. Mais ce qui arrive, puis là, parce que je veux expliquer cette affaire-là. Je vais vous donner un exemple. Moi, ça fait 3 semaines, j'étais en vacances, là, je fais rien. Fait que c'est un petit peu comme un gars qui joue au golf, là. Puis là, tu lui demandes d'aller travailler le lundi matin. Fait que là, aujourd'hui, là, j'ai réalisé aujourd'hui que je travaillais à soir. Fait que là, là pendant trois semaines, là, je fais rien. J'étais avec ma femme, là, puis je suis dans mon rythme à moi, là. Je suis bien, OK. D'un coup, là, il faut que je vienne à Montréal pour donner une conférence. Fait que c'est ce qui se passe dans ce temps-là. Je suis mis en vibration. Ils me mettent en vibration. Fait que là, quand ils me mettent en vibration, là, ben là, je vis une crise de journée. Je n'ai vécu qu'une maudite aujourd'hui. Fait qu'ils vont se servir de n'importe quoi pour me mettre en vibration. Mais quand ils me mettent en vibration, puis que j'arrive, cite moi à la conférence, là, je donne une conférence. Là, je suis en vibration. Mm-hmm. Bon, ben, l'envie, c'est la même affaire. Nous autres, on pense, on a l'impression que la vie a pu nous laisser tomber. On a l'impression que peut-être qu'on n'aura pas de job, ou peut-être qu'un jour on va être malade, peut-être qu'un jour on va être vieux, peut-être on réalise pas qu'un jour, quand on va perdre notre job, on va être mis en vibration, on va avoir tellement le feu au cul qu'on va s'en trouver un autre. On réalise pas qu'un jour que ta femme, elle va te crisser là, ça va te donner un choc tellement, tu vas t'ennuyer tellement que tu vas t'en trouver un autre. On réalise jamais que la vie nous met en vibration. Puis ça, l'homme le comprend pas. Puis ça, c'est probablement le phénomène, l'aspect le plus fondamental de la conscience psychologique de l'ego. Puis la journée où l'homme va réaliser ça, là, que quand t'as fini ta période, là, dans un certain rythme, là, où tout va bien, là, puis un jour, ça va mal. Mais quand ça va mal, ça va toujours bien. Mm-hmm. Nous autres, on a l'impression que quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va bien, ça peut pas durer forever. Un jour, il faut que ça aille mal. C'est comme le stock market. C'est quand ça va mal que ça va bien. C'est quand les stocks tombent que tu les achètes. Pas quand ils sont high. Mais c'est la même chose pour la vie de l'homme. Puis on l'a pas réalisé assez, ça. De sorte que, quand il arrive quelque chose, on sait pas comment dealer avec. Puis on vit l'anxiété. Puis on réalise pas qu'on va être capable de dealer avec anyway. Où on fait de l'anxiété avant. Qu'est-ce qui m'arriverait si? Mm-hmm. Qu'est-ce qui m'arriverait si? Qu'est-ce qui m'arriverait si mon mari naissait? Qu'est-ce qui m'arriverait si ma femme naissait? Qu'est-ce qui m'arriverait si mes enfants mouraient? On est toujours dans l'inquiétude, puis ça, c'est une illusion. Quand on arrive au bout du mur dans la vie nous met en vibration, puis on a toujours une autre issue. Mais on a une issue à laquelle on n'a pas le droit, on n'a pas accès avant. Mm-hmm. Puis ça, il faut le comprendre. Ça, c'est bien important que l'homme le comprenne, c'est le même, ça marche. D'être capable de vivre le transfert. Là. Toujours être capable de vivre le transfert. Il y a du monde qui peut mourir, il y a du monde qui peut être malade, il y a du monde qui peut pas être d'argent, il y a du monde qui ont peur de pas être reconnu dans leur job. On vit toute une anxiété, puis ça, c'est fondamentalement astral, puis ça, c'est comme ça que les forces astrales contaminent notre existence. C'est pour ça que je dis la vie est pas intelligente. Mm-hmm. Fait que moi, aujourd'hui, j'ai 3 semaines de vacances, là, je suis bien, pas de problème, je fais mes affaires, là. Tout d'un coup, là, faut que j'aille travailler, ça me met en vibration. Puis, c'est de même que ça marche. Fait que j'arrive ici, hop, je fonctionne, je suis content de venir à ma conférence ce soir. J'étais pas content hier, parce qu'hier, j'étais dans mon rythme. Mais ce soir, je suis content. Mais si j'avais le doute, puis je me disais, ben, tu pouvais être en vibration demain, qu'est-ce que je vais leur dire demain? À ce moment-là, ben, je vivrais d'anxiété. Mais c'est de même. Mais ça, là, cette conscience-là, faut qu'un jour, que ça fasse réellement partie de notre quotidien. Puis, un homme qui sait ça, là, un être humain qui sait ça, il sait tout. T'as plus besoin après ça de thérapie. C'est réel. Un être humain qui sait ça, là, il sait tout parce que c'est ça qui est caché. Ça nous est toujours caché. Tout le temps caché. Diriez-vous que c'est ça la réalité? C'est ça la réalité. Fait qu'un jour, ben, on va aller un petit peu plus loin, on va pouvoir parler avec la réalité, mais en attendant, c'est ça la réalité. Si la réalité, on peut la vivre dans le quotidien, pourquoi que les gens vont chercher à l'extérieur une perception de la réalité? Parce que les gens ont besoin de se nourrir d'impressions pour avoir l'impression de vivre. Parce que ce qu'il y a dans le quotidien, c'est quand pas assez. Quand tu travailles toute la fin de semaine dans une compagnie, là. Ouais, ouais. Puis en fin de semaine, là, tu t'en vas prendre un drink d'un club puis danser, là. Mm-hmm. Tu vis. Ou tu t'en vas t'éclater sur une beach au soleil. Tu vis, là. L'homme a besoin de l'impression de vivre. Pourquoi? Parce que l'homme vit pas suffisamment dans son esprit. Fait qu'il vit dans sa conscience astrale. Il vit pas dans sa conscience mentale. Parce que si tu vas dans ta conscience mentale, puis tu parlais à ta source, là, ton ajusteur passé, tu dis, ouais, là, je m'en vais m'éclater, là, en fin de semaine. Je m'en vais au forum. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire là? Mm-hmm. Il donnerait une réponse bête de même. Mm-hmm. Fait qu'il changerait ta vibration, il te mettrait une tête, tu serais plus très aidé. Rien qu'à te dire, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu dirais plus. Ou tu dirais, bon, je vais aller m'éclater sur la plage en fin de semaine au soleil, là, regarder les petits papillons. Mm-hmm. Il va dire, qu'est-ce que tu vas faire là? Fait que pour eux autres, que tu fasses n'importe quoi ici, que tu t'éclates de n'importe quelle façon ici. Pour eux autres, il n'y a rien là, parce que c'est astral. Même travailler. C'est ça. C'est astral. Fait que tu te développes peu importe la forme. Tu développes malgré toi-même. C'est ça. Seulement que tu te développes toujours vers une situation où tu es dominé dans ton développement, au lieu de te développer vers une situation où tu te domines ton développement. Mm-hmm. C'est ça la différence. L'homme est plutôt dominé dans son développement que lui domine son développement. Mais pour dominer ton développement, il faut que tu aies contact avec les autres. Parce que si tu n'as pas de contact avec les autres, puis tu t'en vas sur la plage en fin de semaine, ce qui est normal, pour t'éclater au soleil, là, manger tes chips puis tout, ton ego, il va dealer avec ça parce que ça fait partie de l'expérience de l'âme. C'est ça. Ça fait partie de la mémoire de la race. Tout le monde fait du ski en fin de semaine. Tout le monde s'éclate sur la plage en fin de semaine. Tout le monde joue au golf en fin de semaine. Fait que toi, si t'as pas la conscience mentale pour pas aller à la plage comme tout le monde, pour pas aller faire du ski comme tout le monde, ou faire d'autres choses que tout le monde fait pas en fin de semaine, à ce moment-là, ben, tu vas être obligé de faire du ski en fin de semaine sans ça, parce que tu vas être malheureux, tu vas dire, ben, mon voisin fait du ski, moi je fais pas de ski, mon voisin vient de s'acheter des grosses bottines, moi j'ai des petites bottines. C'est ça. Moi, je vis dans le nord, là, tu sais, je vis dans un environnement où, techniquement, les gens de Montréal s'en vont dans le nord, là. C'est UP, le nord, là, c'est un resort. Puis là, je l'ai vu venir toute la gang en fin de semaine, là. Puis tu regardes, quand tu regardes ça, là, le processus, l'hiver ou l'été, là, puis c'est normal, puis je suis content que le monde s'éclate sur la plage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, quand l'homme va être mental, il pourra plus aller s'éclater sur la plage avec des petits papillons, puis es-tu belle la montagne, hein? On vit, hein? Pour 2 jours, on vit, hein? Es-tu belle la vie, hein? Elle est pas belle la vie, elle est pas intelligente. C'est intéressant. Elle est intéressante au mieux. Elle peut être intéressante. Fait que tu redescends le dimanche soir, là, t'es pris dans le trafic, tu reviens à Montréal, puis là, t'as hâte, l'autre vendredi prochain.